Chapitre 30. Clarification sur les différentes zones du cerveau et l'état de disciple. Oui, car j'ai expliqué des choses que j'ai voulu garder d'une façon très simple. Et comme je travaille aussi en anglais, je me suis dit que j'ai réalisé que ce que j'avais fait en français était simple, mais toutefois compliqué. Lorsque je parle sur certaines zones du cerveau. Et... Alors j'ai cherché en anglais, sur la version anglaise, une explication encore plus simple, encore plus accessible à tous, pour que vous puissiez vraiment toucher et comprendre la chose. Alors j'ai coupé ça en zones de A à F. Les zones géographiques, enfin anatomiques du cerveau, n'ont pas une très grande importance dans l'explication de ce que je vais apporter, donc inutile de vous ennuyer avec ces choses-là. Je vais vous apporter des choses simples, claires, efficaces, que vous puissiez véritablement comprendre. Et je vais commencer, je sais que ça paraît très illogique, mais je vais commencer par la zone C du cerveau. Donc ça va être un peu redondant sur ce que j'expliquais avant, mais je pense que ce que je veux apporter, c'est bien si je l'apporte de plusieurs façons, de façon à ce que vous ayez le temps d'assimiler ces informations et qu'il n'y ait aucun quiproquo dans mes dires. La zone Z, C, donc, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la zone de réussite. Ce que vous allez appeler votre succès. Ou non, vous allez appeler ça votre vérité. Chacun a sa vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est donc une survie. Et puisque je vous parle et puisque vous m'entendez, eh ben vous avez raison. Vous êtes toujours vivant. Donc, c'est un succès. Si il me faut boire et être alcoolique, pour survivre à mes stress, et que la boisson me permet de... Je suis par terre, je vomis, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu, mais je suis encore vivant, non? Donc c'est quand même un succès. Dans le cadre du succès, de la survie, l'alcoolisme est un succès. Prendre des drogues, c'est un succès. Être schizophrène, c'est un succès, puisque je suis toujours vivant. Donc vous allez dire, Iji, de quoi parles-tu? Ce n'est pas un succès que d'être complètement malade. Tout dépend de ce que l'on appelle le succès. Le succès, c'est de survivre. Pour le cerveau, sa fonction principale première, c'est la survie. Donc, à partir du moment où on est vivant, quel que soit le procédé qu'on a utilisé, le mensonge, le crime, l'assassinat, la monstruosité, la pédophilie, la drogue, la violence extrême, c'est un succès puisque je suis vivant, non ? Donc, je dois comprendre un problème et comment il est résolu. Si je me situe au niveau d'un cerveau dont sa fonction principale est la survie, puisque je suis vivant, j'ai raison. Point final. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne sont pas ouverts à une conversation, puisqu'ils ont raison, puisqu'ils sont vivants. Donc, la véritable question, c'est d'analyser ce que ma zone C veut. Et ce qu'elle veut, c'est la survie. Et donc la zone C n'a pas envie d'entendre autre chose que ce qu'elle a déjà appliqué depuis longtemps. Alors peut-être que pour survivre, j'ai accepté la souffrance. Peut-être que je me scarifie. Peut-être que je me torture. Et pour toutes ces choses-là, n'est-ce pas là une réussite puisque je suis toujours vivant? Quel que soit le prix de ma survie, puisque je suis vivant, j'ai abandonné, trahi mes amis, tué mes enfants, mais c'est une réussite puisque je suis vivant. Alors évidemment, vous allez dire, non mais attends, toutes ces choses-là, ce n'est pas un succès. Ben, ce n'est pas un succès pour votre zone A, le cortex, le préfrontal cortex, le cortex préfrontal. Pour le cortex préfrontal, effectivement, ce n'est pas un succès. Seulement, voilà, le problème, c'est que ce qui décide les actions et la plupart des paroles de votre personne, c'est pas la zone A, c'est la zone C, c'est-à-dire la zone massive de fonctionnement mécanique du cerveau, l'ego, qui se flatte d'avoir survécu. Le principal, c'est de survivre. Pour survivre, quand il y a un incendie, vous marchez sur le corps d'enfant qui pleure, vous broyez des têtes de bébé, n'importe quoi pour pouvoir survivre, pour la plupart d'entre vous. C'est le système principal de la zone massive du cerveau, profonde du cerveau, qui est basée sur la survie, puisque nous provenons des animaux. Le cortex préfrontal, c'est un cortex qui n'existe que chez l'être humain. Et donc, c'est la nouvelle conscience, non plus simplement à la survie, mais à l'évolution. Darwin serait d'accord avec moi. La véritable évolution, la survie, ça inclut aussi l'évolution. Par exemple, le cortex, la zone C, on va rester dans les choses très simples, est tout à fait d'accord avec la pollution, l'utilisation de la planète Terre, et manger de la viande, et détruire, et ainsi de suite, puisque je survis. Par contre, le cortex préfrontal, la zone A, qui est une zone d'évolution, d'appréhension, de compréhension, et qui est capable d'analyser les problèmes d'une façon abstraite et projetée dans le futur, elle dit non, c'est pas du tout une bonne idée. Seulement après, quand vous présentez un beefsteak, vous dites ah ouais, mais quand même, c'est bon, hein. Ça, c'est la zone C qui parle. Donc, c'est tout ce que j'expliquais précédemment, mais que je réexplique différemment. Puis, nous avons la zone B. Et la zone B, c'est ce que j'expliquais avant dans l'état du disciple, c'est le fait que vous mettiez à travailler. Parce que la zone C ne travaillera que par assimilation de succès. Alors, si vous prenez Dolto, vous savez, c'était la maman de Carlos, un chanteur très drôle qui était souvent en grosse tête, je ne sais pas s'il y a encore. Si vous prenez la maman de Carlos, Dolto, elle disait, si vous ne voulez pas être le bourreau de vos enfants ou de vos amis, cessez d'être la victime de vos parents. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Parce que vous avez appris à survivre avec papa, avec maman, avec l'école, avec les copains quand vous étiez petit. Vous aviez un cortex préfrontal très ouvert, puisque vous étiez dans le rire, comme j'ai déjà expliqué précédemment, puisque vous étiez dans la joie, dans la dilatation. Donc, vous avez appris des choses que vous avez mis en action à travers la zone B, pour que, à travers les succès, la zone C apprenne ses leçons pour continuer à survivre. Et tant qu'on est en contact avec la zone C, eh bien, que je sois un gros con, un agressif, un raciste, un pervers, un n'importe quoi, j'ai raison puisque je suis vivant. Ce qui me donne raison n'est pas la moralité des choses. Ça, c'est le cortex préfrontal. Ça, c'est la zone A. Ce qui me donne raison, c'est ma survie. Je suis vivant, donc j'ai raison. Point final. Conversation close. Alors, tout le contexte, c'est de pouvoir enseigner à la zone C le fait qu'il y a autre chose que la survie. Il y a une survie supérieure qui est l'illumination, qui est l'évolution spirituelle, la conscience, la responsabilité, la fraternité, l'amour véritable. Et ça, la zone A, le cortex préfrontal, peut le comprendre. Mais la zone C ne peut pas le comprendre et ne pourra pas l'appliquer. Puisque dans les cadres d'application, nous serons en champ de conscience restreint, onde bêta et gamma, et ces ondes très rapides créent un champ de conscience restreint qui ne m'autorise pas à avoir accès aux mémoires et à la conscience de la zone A du cortex préfrontal. Donc, je n'y ai pas accès. Donc j'ai des idées belles quand je lis, quand je pense, quand je discute, quand je suis relax, parce que je suis en onde alpha détendue. Je suis heureux, je suis souriant, mais dès que je fais face à un problème, c'est plus du tout ça qui va parler, c'est la zone C qui va prendre le contrôle. La zone A n'est pas là pour prendre le contrôle, la zone A est là pour assimiler de nouvelles idées, pour évoluer. Le cortex préfrontal, c'est cette zone très particulière qui grandit chez nous perpétuellement, qui est la plus apte à réagir à énormément de choses qui n'existent pas chez les animaux, pour la plupart des animaux, parce que nous avons dépassé ce stade où la seule vérité, c'est la survie, pour arriver vers une autre conscience, une conscience lumineuse, spirituelle. La véritable vie, ce n'est pas la survie, parce qu'on va mourir, c'est l'illumination, c'est l'amour véritable, la vérité totale. Et il va falloir pour cela que ma zone A soit stimulée, puisse stimuler ma zone B pour que j'applique avec motivation ces choses-là, de façon à ce que ça devienne des vérités pour la zone C, jusqu'à un moment où votre zone C ne dit plus « Non, non, la vérité, c'est de survivre », mais la zone C dit « La vérité, c'est d'évoluer vers la lumière ». Mais pour le moment, votre zone C, elle ne peut pas dire ça. Parce qu'elle n'a jamais reçu cette information à travers le travail de la zone B, la discipline. Alors, comment est-ce que vous allez faire ça, encore une fois? Eh bien, vous allez faire ça grâce à la force d'amour. Parce que vous aimez quelqu'un, comme j'ai déjà expliqué avec votre copine ou votre copain, vous allez stimuler des transformations, donc la zone B qui va se mettre en action, qui va utiliser différentes parties de votre cerveau et de votre ADN pour imposer une leçon à la zone C qui finira par être en accord avec la zone A. Lorsque la zone A, B, C sont en harmonie totale, nous appelons ça la zone D. La zone D, c'est la cessation de la dualité entre la zone A qui connaît de grandes choses et la zone B qui ne travaille pas et la zone C qui connaît des mauvaises choses, des choses violentes, obscure qu'elle a appris pour survivre. A veut la grandeur, C veut la survie. B n'applique pas le travail de la zone A. B est au service et l'esclave de la zone C. Donc C donne des ordres à B, B applique les ordres de la zone C qui confirment la zone C et B et C travaillent en accord. Mais A ne prend pas le contrôle. Elle ne prenant pas le contrôle, la zone B ne peut pas travailler pour la zone A et ne pourra jamais changer la zone C. Pour créer l'harmonie ABC, pour arriver à la zone D. La zone D, c'est la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette Trinité qu'on retrouve chez les bouddhistes, chez les Chinois, dans les arts martiaux, on la retrouve partout. Lorsque le 3 devient un, même... le Belge, j'ai oublié son nom, le champion de karaté, ridicule, son nom me reviendra peut-être, qui dit, oui c'est beau, le 3, c'est égal au 1, ben, même lui, il n'a pas complètement tort, c'est quand même la vérité, il ne le dit peut-être pas de la meilleure façon, mais c'est la vérité. Lorsque la zone A, B et C deviennent unies, ça devient la zone D. Cette zone D, c'est, il n'y a plus de dualité, on est dans des états de maîtrise, parce que qu'on soit en état de dilatation de conscience ou en état de contraction de conscience, de toute façon, on a la même source d'inspiration, l'évolution, l'honnêteté, la vérité. Cette zone D d'harmonie, elle va créer l'ouverture de la zone E. La zone E, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la zone encore plus de méditation, d'inspiration, de channeling, de prière, de l'inspiration divine. Est-ce qu'elle est alors à l'extérieur de vous? Est-ce qu'elle est en vous? On s'en fiche des zones, de l'emplacement des zones. Ce qui importe, c'est que lorsque je crée A, B, C, et que j'ai cette unité que je crée D, j'ai ce lac plat, sans vagues, sans tourmente, sans orage violent. Et ce lac plat peut refléter les plus hautes étoiles. Ça, c'est la zone c'est quand l'harmonie ABC crée cette zone D d'harmonie qui va créer le reflet, le contact avec la zone supérieure de notre être ou de la divinité. On s'en fiche, qui est la zone E. Et lorsque la zone D et la zone E s'harmonisent totalement, qu'elles deviennent une complète unité, alors nous pouvons parler de la zone F. Et la zone F, je la résume aussi comme ça en anglais, c'est la zone de la force. Que la force soit avec toi, comme chez les Jedi. Mais pas la force musculaire, la force de l'énergie, la force de la vérité, la force de l'inspiration, la force où tout est possible. Parce que l'unité, la paix et l'amour est en moi. C'est donc à peu près ce que j'expliquais précédemment, mais je le présente avec des zones différentes, sans spécifier ces zones, parce qu'elles vont vous aider à encore mieux comprendre les choses. Et pour se tourner vers ça, encore une fois, je dois insister sur l'amour. Quand vous allez aimer votre partenaire, vous allez être tous les deux, l'homme et la femme, en contact avec la zone A. Vous allez dialoguer entre zone A, de compréhension, et vous allez même stimuler un petit peu la zone B. Et vous allez offrir des bouquets de fleurs et faire attention et aller au spectacle de danse de votre copine qui elle-même va venir voir votre compétition de marathon. Et tout ça, ben c'est un petit peu du A, beaucoup de A et un tout petit peu de B. Et c'est le grand amour. Et ça dure environ un an et demi. Et très souvent, ben ça va tomber en désuétude. Parce qu'il n'y aura pas assez de B pour mettre en action, pour se transformer véritablement. Et pourquoi ? Ben parce que celui qu'on aime, il a une zone C de survie, pas d'évolution. Si vous avez un partenaire qui est en zone C, qui n'est plus de survie, mais d'illumination, alors, allez-y, vous avez le chemin. Amour, motivation, transformation, échange, et tout va s'accomplir. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui ait une zone C d'illumination et pas simplement de survie. C'est même virtuellement impossible. Et c'est pour ça qu'après, au bout d'un an et demi, deux ans, vous allez retomber tous les deux dans votre zone C de survie. Et la règle numéro 1 de la zone C de survie, c'est l'égoïsme. C'est moi d'abord, les autres après, parce que je pourrais mourir. Hein, sur le Titanic, par exemple, quand on fait la liste des gens qui ont survécu, comme par hasard, c'est pas du tout les femmes et les enfants, c'est tous les jeunes de 20 à 40 ans à peu près, bien solides, les hommes. Eh ben oui, c'est la zone C de survie. Et quand deux personnes s'aiment à travers la zone C, eh bien chacun impose ses règles à l'autre, chacun rejette l'autre parce que toute idée qui touche ma zone C, c'est agresser ma zone de survie, comme j'ai expliqué précédemment, il n'y a plus rien de possible, ça ne fonctionne plus. Et alors on ne sait pas. Voilà. Donc, il faut être capable d'aimer profondément, totalement, absolument, quelqu'un qui a une zone F. Qui est avec la force, qui est un véritable Jedi. C'est même la zone J après, la Jedi. De la force. Et cette personne, c'est moi. J'adorerais pouvoir vous dire, je connais d'autres personnes qui sont comme moi, qui mettent en action, qui accomplissent, qui font des choses, qui échangent honnêtement. J'adorerais pouvoir vous dire ça. Mais je ne le peux pas. J'ai parcouru le monde entier pour rencontrer des frères et des sœurs de ce niveau et je me suis toujours trouvé face à des escrocs, à des trompeurs, à des menteurs. Je ne peux pas. J'adorerais pouvoir vous donner une liste de 10 ou 20 noms. Je ne peux pas. Je ne connais que moi sur ça. Et j'ai demandé à mes élèves quelque chose de faux. Je leur ai dit, aimez la lumière, ne m'aimez pas moi, aimez la lumière, aimez votre évolution. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un « aimez-vous vous-même, aimez votre évolution ?» Eh bien, c'est une erreur. Parce que si je vous dis « aimez-vous vous-même », eh bien, vous allez aimer votre zone C. Parce que vous ne voulez pas mourir. Donc, la zone de survie, la zone de réussite de la survie, votre vérité, votre succès dans la survie. Et pour que votre zone A prenne le contrôle, que vous soyez toujours en zone de dilatation, en onde alpha, et que ceci mettre en application la discipline, la zone B, qui se met à travailler pour, à force de succès, enseigner à la zone C que la chose que l'on doit atteindre, ce n'est plus simplement la survie, mais l'illumination. Il faut aimer quelqu'un qui soit déjà dans la zone F de la force, ou de la zone J de Jedi. Et la seule personne que je connaisse, c'est moi. Et j'ai fait l'erreur de toujours dire à mes élèves, aimez votre évolution, aimez-vous vous-même, ne m'aimez pas. Et je l'ai fait par honnêteté, je l'ai fait par humilité. Parce que dans ma zone C de survie, j'ai toujours survécu en tant que guerrier, en tant que combattant et en tant qu'homme totalement honnête. Et dans cette honnêteté, j'ai dit, attachez-vous à votre honnêteté. Attachez-vous à votre évolution. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est très honnête, mais c'est aussi faux. Parce que j'ai surestimé mes amis, mes élèves, en estimant qu'ils pouvaient s'attacher à quelque chose qu'ils n'ont pas. Une zone A totalement dilatée. La zone A totalement dilatée ne sera dilatée que par l'amour. Et si vous aimez quelqu'un comme moi, qui vous demande la vérité, la bonté, la justice, l'amour, alors votre amour vous donnera envie de faire l'amour avec moi. Non, je ne suis pas en train de parler de partouze. Je suis en train de parler de faire l'amour avec moi. Ça veut dire amour, la vérité, sagesse, bonté, justice, liberté de l'âme, intensité de la lumière. Et vous serez là en disant, ah ben Eiji, on ne peut pas lui offrir des bouquets de fleurs. Il s'en fiche un peu des bouquets de fleurs. On peut offrir notre amour véritable, avec toutes les qualités de cet amour. Et plus vous m'aimerez, et plus vous stimulerez votre zone A, qui contrôlera votre zone B, et qui finira par donner une nouvelle programmation à votre zone C, qui ne parlera plus de survie, mais d'illumination, de fraternité, d'amour divin véritable, qui créera la zone D, où les étoiles se reflèteront, la zone E, et où les deux unis ensemble deviendront un pour devenir la force du Jedi. Et ceci ne peut se faire qu'à travers l'amour. Et dans mon chemin d'humilité, j'ai toujours dit, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je vous donne l'enseignement, je vous donne la vérité, travaillez. Et c'est faux. Et étrangement, quelque part, mon âme le savait, puisque moi-même, j'ai beaucoup souffert de manque d'amour. Parce que par honnêteté, j'ai rejeté l'amour et l'attachement des autres. En disant, non, vous n'avez pas besoin de moi. Et en fait, si moi je souffre de solitude et de manque d'amour, et si mes élèves n'arrivent pas à transcender les choses et à rester toujours contrôlés et dominés par la zone C, c'est justement parce qu'entre eux et moi manque l'amour. Pour ceci, on doit comprendre, encore retourner au miroir neurone, en sachant que je vais me percevoir et me faire évoluer moi-même à travers les perceptions des autres, c'est-à-dire les perceptions de Eiji et les perceptions des gens qui aiment Eiji et qui suivent le même chemin de vérité, de bonté, d'amour et qui sont donc dans ce même contexte, cette même direction. Et alors vous avez maintenant, avec beaucoup d'amour, un contexte autour de vous qui va vous donner un contexte d'amour, de respect, de lumière. Les miroirs neurones vont vous apporter cette vérité, ce pouvoir qui va vous permettre de développer cette chose-là. Et mon honnêteté, ma sincérité a été contre une évolution correcte d'un groupe correct. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi une dizaine de personnes qui tournent parce que je suis souvent en mission humanitaire. J'agis à droite, à gauche. Et très souvent, quand je reviens dans un endroit où il y avait 7-8 personnes, c'est le désastre total. Et puis après, Iji est là, il s'occupe de tout le monde, il parle à tout le monde, il arrange les choses, et puis les choses redeviennent plus positives. Et finalement, c'est normal, parce que dès que vous êtes en zone d'habitude, en zone de stress, en zone de non-motivation, vous êtes en onde bêta et gamma, vous êtes en zone de conscience restreinte qui n'a plus accès à la zone A, le cortex préfrontal. Et vous retournez dans la survie, dans l'égoïsme et dans le contraire de ce que vous vouliez faire et accomplir. Donc, il me faudra, pour toute personne qui a envie d'avancer vers la lumière, d'accepter cet amour, cette relation d'amour, et d'être en contact beaucoup plus souvent. Un système de conférences, par exemple sur YouTube, moi j'utilise très souvent Telegram, par exemple, où je parle aux gens qui me posent des questions, et tous les jours je leur explique des choses, et tous les jours on avance, ou tous les deux jours, vous avez une conférence, vous avez des explications, vous avez une motivation, et il faut se rencontrer souvent, et il faut se motiver souvent, et il ne faut pas empêcher l'amour. Il ne faut pas empêcher l'amour, il faut stimuler l'amour. Dans le champ bouddhique, soit vous avez la porte de la peur qui entraîne la violence, qui entraîne la survie, qui entraîne le fascisme, le racisme, la jalousie, la possession, la tromperie, le mensonge, et puis vous avez la porte de l'amour. Tout est là. J'ai toujours su, mais non, mon humilité, mon détachement m'a interdit d'avancer jusqu'à ce pas à franchir en disant « Oui, aimez-moi et utilisez votre amour pour moi pour stimuler votre zone A, B, C, D, E, F jusqu'à la force du Jedi. » Quand vous prenez votre partenaire, vous allez au début beaucoup changer, parce qu'il est clair que dans l'histoire d'amour de début, vous êtes complètement dans la zone A, le cortex préfrontal, avec toutes les nouvelles idées que votre partenaire vous donne. Vous allez faire l'amour, toucher, embrasser, tout ce que vous voulez imaginer, transpirer, et ces choses-là vont encore stimuler votre cortex préfrontal, la zone A. Vous allez aussi, quand vous pensez à votre copine, Corinne, je l'aime tant. Ah oui, ah, la respiration est tout à fait dilatée. Vous prenez une respiration maintenant du bas-ventre et non plus une respiration contractée et inversée du thorax, résultat des stress, des ondes bêta et des ondes gamma. Vous vous dilatez en joie et en bonheur. Et ceci stimule aussi votre cortex préfrontal. Quand vous êtes amoureux ou amoureuse, vous rigolez beaucoup, la moindre chose vous fait rire, vous êtes tellement heureux, tellement souriant. Ceci stimule votre cortex préfrontal. Et quand vous êtes amoureux, vous essayez en général d'assurer un petit peu devant votre copain ou votre copine. Vous faites du sport, vous défoncez, vous faites des grandes promenades, vous avez des aventures, vous allez nager. Le sport, l'effort, le défi stimule votre cortex préfrontal. L'amour, le sexe, stimule votre cortex préfrontal. Et il se peut qu'avec beaucoup, beaucoup d'amour et un peu d'inspiration, un couple réussisse seul. Mais c'est encore une fois peu probable, puisqu'à chaque fois, votre partenaire, il aura quand même comme maître la zone C de survie. Et on reviendra vers ça. On laissera tomber petit à petit, on retombera dans la vie classique. Au début, on se rencontre, on est très stressé, mais dans le bon sens, dilaté, on arrive avec son petit bouquet de fleurs, on s'est bien lavé, ainsi de suite. 3 semaines plus tard, on est dans... On va dire, allez, non, je suis un peu rapide. 3 mois plus tard, on est dans le lit, on pète, on rote, on se lave quand on a le temps, il y a le travail. Ça y est, on est reparti dans les habitudes, dans les petites choses, dans le champ de conscience restreint. Et petit à petit, la zone A va s'effacer. La zone B n'aura pas pu installer la zone A dans la zone C, et la zone C reprendra le contrôle, et reprendra le contrôle de la zone B, qui se remettra à faire des choses et à travailler d'une façon habituelle de survie et d'égoïsme. Et l'amour est terminé. Temps de vie d'un couple, aujourd'hui, environ 3 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire le tour de tous les protocoles que je viens d'exprimer, jusqu'à revenir au contrôle total de la zone C, qui rend la vie d'amour et positive entre deux personnes impossible. Donc il vous faut apprendre à aimer quelqu'un comme moi. Trouver quelqu'un comme moi, ou aimer moi, non pas pour m'aimer moi, mais parce qu'à travers moi, vous êtes obligé de stimuler un autre chemin où votre zone C n'apprendra plus simplement à être fier et orgueilleux de sa survie, mais de son illumination, de son avancée vers l'illumination. Et il est très drôle que cette chose me vienne encore très fortement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 20 août, qui est la fête du soleil en Bulgarie. La fête du soleil organisée par le maître Peter Donov. Et voilà, les choses sont là, elles doivent être accomplies. Et pour que vous puissiez accomplir les choses, je dois accomplir le fait avec simplicité et humilité et intensité, accepter l'amour de chacun et motiver cet amour. Que notre amour soit grand, que notre amour soit immense, que ça soit une merveilleuse histoire d'amour qui nous emmène tous vers la lumière. S'il n'y a pas ça, ça ne fonctionne pas. Voilà une chose extrêmement importante à comprendre. Quand je reprends le contexte de l'amour, parce que je pense que cela vous aide beaucoup à comprendre, vous devez comprendre, je l'ai déjà expliqué dans d'autres chapitres, que le cerveau n'arrive pas à faire la différence entre l'imaginaire et le véritable. Hein, si j'imagine que j'ai un monstre dans la chambre parce qu'il y a un parapluie qui est posé d'une drôle de façon, je vais finir par être paralysé. Mon cerveau, mon corps, ne fait plus la différence entre l'illusion que j'ai créée et la vérité. Je me souviens d'une fois où j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, et j'étais dans le jardin, dans la maison de mes parents, il faisait très noir, et il y a eu un hibou, enfin un gros oiseau qui est passé, qui m'a fait très peur, et après j'ai vu un monstre, j'ai vu son visage, il me regardait, j'ai vu un monstre, hein. Mais je l'ai vu de mes yeux. Et je suis parti en courant, je suis arrivé près de mes parents, et puis après j'étais pas trop fier, mais j'ai pas expliqué ce que j'avais vu, parce que je veux pas dire que j'avais vu un monstre, et puis voilà. Et puis le lendemain, très troublé, j'ai été revoir là où il y avait le monstre, et c'était un arbre. Moi j'ai vu un monstre. Le cerveau ne fait pas la différence à partir du moment où on crée un certain scénario. Dans les arts martiaux, pour atteindre un très haut niveau, il nous faut connaître des dao ou des kata, c'est-à-dire des combinaisons qu'on pratique dans le vide, seul, qui sont très difficiles à travailler et surtout très très épuisantes. Et c'est un grand problème parce qu'à un moment, il faut en connaître tellement que quand on en connaît 120, quand on apprend le 121e, le temps qu'on apprenne le 121e, on en a déjà oublié 5 ou 6. Donc il faut réviser les 5 ou 6 qu'on a partiellement oubliés. Et puis une fois qu'on a fait ça, on en a encore oublié 15 autres qu'il faut re-réviser. Et c'est un cauchemar. Pour arriver à une 100-150 combinaisons à peu près qu'on doit connaître, il faudrait s'entraîner tellement qu'il faudrait travailler 10 heures par jour. Or physiquement, à un moment, 10 heures par jour, vous ne pouvez plus, c'est épuisant. Jusqu'au moment où vous trouvez le truc. C'est qu'une fois que vous avez travaillé votre kata que vous connaissez bien, vous vous asseyez en méditation et vous visualisez votre kata. Vous êtes en train de le faire dans votre tête. Et le plus extraordinaire à savoir, c'est que lorsque vous faites ceci, votre corps travaille. Vous avez les muscles qui grossissent. Vous assouplissez parce que vous visualisez que vous faites un coup de pied beaucoup plus haut que le coup de pied que vous puissiez faire. Et votre corps ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez et la vérité. Et grâce à ceci, vous améliorez en travaillant, des fois allongé dans votre lit ou en méditation. Évidemment, vous devez toujours travailler physiquement, parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer tout, il faut utiliser ce que vous avez déjà fait physiquement. Donc, on va dire, c'est 50%, 50-50 ou 40-60. Selon votre niveau d'engagement physique, au bout d'un moment, vous pouvez beaucoup plus travailler avec votre corps. Vous pouvez vraiment visualiser que vous êtes un ange, vous pouvez visualiser que votre regard est lumineux et qu'il aide tout le monde, que vous magnétisez des gens. Pourquoi est-ce que le Reiki fonctionne? C'est pas le protocole et les mots magiques du Reiki qui fonctionnent. Ça, c'est complètement bidon. C'est juste pour vous occuper. C'est un protocole pour vous occuper et vous faire payer des choses. C'est surtout sur le fait que vous allez croire que vous pouvez le faire. Et en le croyant, vous visualisez la chose. Et ceci devient possible. Votre zone A fait travailler votre zone B, qui transforme votre zone D, votre zone C, pour créer la zone D. Mais pour ça, et le fait que vous payez beaucoup d'argent, qu'il y ait beaucoup de cinéma, oui, tout ça, ça va vous aider énormément, absolument. Alors une autre chose où vous pouvez comprendre, par exemple, le pouvoir de la visualisation, de la transformation et de l'amour, on va utiliser le sexe. Tout le monde se masturbe. Non, évidemment, pas vous qui m'écoutez. C'est clair que vous, vous ne masturbez pas, comme tout le reste de l'humanité. Mais bon, il y a quand même des méchants garçons dans des cavernes, dans des pays cachés, qui se masturbent. Des garçons ou des filles, d'ailleurs. Hein. Je dirais même qu'il y en a beaucoup. Je dirais même qu'il y en a à peu près tout le monde. Mais maintenant, si on pense à la masturbation, c'est très intéressant de penser à la masturbation. Eh oui, aussi, parce qu'on peut apprendre de toutes choses. Ce n'est pas une école qui est ton école, c'est le monde entier qui est ton école. Toute chose du monde est ton école. Le mouvement mécanique de la masturbation n'est pas suffisant. En fait, c'est environ 20%. Si vous vous amusiez à vous masturber en étant complètement neutre, en ne pensant à rien, je ne sais pas, en regardant la télévision, en regardant un film qui n'a rien de sexuel, la plupart du temps, vous n'aurez aucune réaction. Si le mouvement mécanique est nécessaire, ce qui est par-dessus tout nécessaire, c'est votre visualisation. Vous allez visualiser que vous faites l'amour avec celui-ci, avec celle-là, dans telle situation, que vous faites quelque chose que vous n'aviez jamais fait, vous inventez ça ou ça. Et au bout d'un moment, tous vos fantasmes, toute votre imagination, votre corps ne fait plus la différence. Il croit que c'est vrai, jusqu'à arriver à l'orgasme. Parce que votre corps ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez et ce que vous vivez vraiment. Parce que ce que vous vivez vraiment, c'est juste un mouvement avec la main. Et si vous le regardez vraiment comme ça, ben, c'est pas ça qui vous fait jouir. Mais c'est la visualisation intense que vous allez avoir qui va vous amener à l'orgasme. Et bien, encore une fois, vous comprenez que l'amour et même l'amour sexuel sont liés au pouvoir de transformation, de stimulation de la zone A, B, C, D, E, F, la force des Jedi, pour arriver à un chemin de confiance, de croyance. Et si vous y pensez bien, toute chose que vous avez développée, toute chose que vous avez développée dans votre vie, ça a toujours été avec l'amour, toujours, toujours. Vous avez aimé votre prof de musique, vous avez aimé votre prof d'anglais, ou une petite anglaise, ou vous avez aimé le pays, ou vous avez aimé, que sais-je. Mais quand vous faites quelque chose par devoir, parce que vous n'aimez pas juste pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Il y a la règle des trois. C'est peut-être une règle que vous connaissez, qu'on utilise en secourisme. On peut rester maximum 3 minutes sans respirer, après on meurt. 3 jours sans boire, après on meurt. 3 semaines sans manger, après on meurt. Bon, il y a des records qui ont été battus, mais c'est à peu près correct. Et moi je dis, on ne peut pas rester 3 secondes sans aimer. On ne peut pas rester plus de 3 secondes sans aimer. Et vous allez dire, mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Non, c'est faux. Ils ont développé un amour pathologique. Ils aiment leur voiture. Ils aiment leur portable, ils aiment leur ordinateur, leur maison. Et parfois, ils aiment aussi leur partenaire ou leurs enfants. Mais très souvent, ils aiment leur chien. Et le fait que très souvent, aujourd'hui, les gens aiment beaucoup leur chien, c'est parce que le chien ou le chat, c'est l'animal familier qui va vous donner de l'amour aussi. une certaine forme d'amour. Ce n'est pas l'amour tel que vous le comprenez pour vous en tant qu'humain, mais c'est quand même une forme d'amour sincère. Et pourquoi est-ce que de plus en plus vous aimez votre portable ? Bah parce que le portable, c'est presque un être humain. Ça vous parle. Ça communique avec vous. Ça se souvient de ce que vous avez dit. Ça vous rappelle des choses. « Ah, il faut que tu rappelles ta sœur aujourd'hui. » C'est un ami. Mais vous ne pouvez pas vivre sans amour. Donc dans le cadre de zone C de survie, vous avez appris que le meilleur amour, c'est un amour fou. Un amour mécanique. Un amour à votre maison, à votre voiture, à votre portable. Mais vous ne pouvez pas vivre sans amour, donc vous développez un amour fou. Un amour délirant. Et cet amour délirant, évidemment, ne peut vous que vous enfermer encore plus dans la zone C de survie, sans aucune évolution vers l'illumination, la bonté, l'amour, la vérité. Donc vous pouvez voir que l'amour profond, sincère, même l'amour sexuel, vous emmène vers cette superactivité du cortex préfrontal, de la zone A, qui va stimuler la zone B d'application, de discipline, qui va transformer la zone C, qui ne dira plus « moi, la seule connaissance que j'ai, c'est la survie et j'en suis fier », mais la zone C commencera à dire « la seule chose qui m'importe, c'est l'illumination et le chemin vers Dieu ». Et vous quitterez alors la dualité entre A et C, qui font le contraire parce que B n'a pas fait son travail. On n'a toujours été qu'au service de C. On peut faire un petit schéma pour bien comprendre. Et vous vivez dans cette dualité perpétuelle. Et vous dégoûtez vous-même. Alors après, vous allez utiliser, comme je l'expliquais avant, la post-rationalisation pour justifier que vous avez toujours raison, ou le déni pour refuser de voir et continuer à protéger votre survie, la zone C. Une fois que vous rentrez dans le cortex préfrontal, la zone A, avec toutes les nouvelles idées de dilatation, d'inspiration, d'évolution, que la zone A donne des ordres à la zone B parce que vous êtes en champ de conscience d'expansion, de dilatation, de joie, d'amour, vous êtes amoureux ou amoureuse. Alors vous avez le pouvoir que A donne des ordres à B et que A et B ensemble enseignent à C pour créer D, le lac calme, reposé, serein, dans lequel se reflètent les plus hautes étoiles des célestes, de la lumière véritable, qui crée ensuite la zone D et les étoiles D, l'unité de l'ensemble. La zone F, pardon, j'ai oublié. La zone F qui crée la zone des Jedi ou la zone de la force. Mais pour ça, il faut que ABC se calme et s'unisse pour créer D, le lac tranquille, et les étoiles F, la force, ou le mental serein et tourné vers la lumière et inspiré par la lumière, par la source de bonté, sont un, avançant vers la lumière, pour que tout s'accomplisse et que le miracle de Dieu s'accomplisse en vous et que vous deveniez des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi des gens comme Jésus, des gens comme Peter de Nov, des gens comme Omram, ils ont totalement accepté l'amour de leurs disciples. Ce que moi, je n'ai pas voulu faire. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des gens trop souvent qui ont glissé vers le pouvoir, vers la manipulation. Alors j'ai dit non. On travaille au sujet de la lumière, mais vous me laissez hors du jeu. Et c'est à moi d'avoir confiance en moi et en mon amour, en mon chemin d'honnêteté. Je suis un homme honnête, comme disait le maître Omram. Et en tant que tel, je dois accepter ce chemin d'amour où les gens ont besoin de cet amour exprimé sous toutes les formes avec moi pour être capable de stimuler cet ensemble de chemins dans le cerveau, d'évolution pour arriver à la lumière totale, l'illumination complète, la paix, la sérénité, amour, sagesse, vérité, bonté, justice et liberté. La liberté d'être divin, la liberté d'être F, de la force des Jedi. Voilà. J'espère que ces explications, je sais, elles sont très simples, elles sont très simples. J'ai vraiment éliminé tous les aspects neurologiques tout en les respectant en réalité. Si vous connaissez un petit peu, vous verrez que je fais référence à des connaissances très pointues sur la science neurologique et les connaissances du cerveau et de la structure des neurosciences. Mais j'évite tout aspect compliqué parce qu'il est inutile, il n'apporte rien. Ce qui nous importe maintenant, c'est la compréhension de cet ensemble-là pour être capable d'avancer vers ces choses-là, vers un chemin d'amour qui rend votre cœur libre d'exprimer votre âme et votre divinité. Tout est histoire de cœur, tout est histoire d'amour. Mais un amour pur, un amour véritable, qui n'accepte ni trahison, ni méchanceté, ni violence, ni jalousie. Un amour pur, d'âme à âme, de cœur à cœur, dans un chemin où l'illumination se trouve là, comme le plus beau cadeau et la plus grande manifestation de cette expression d'amour. Merci.